êtes toujours à l'écoute de Futur Simple sur CKRL 89.1. Et vous savez, en science, la réalité dépasse parfois la fiction. C'est le cas des arbres qui communiquent entre eux, qui font partie de famille, qui se protègent ensemble contre les ennemis et partagent de la nourriture. Alors, Christiane Dupont nous parle aujourd'hui des arbres qui se parlent. Bonjour, Christiane. Bonjour, François. Alors, Christiane, les plantes pourraient donc s'envoyer des messages entre elles. Bien oui, oui et non. Évidemment, pas des messages comme nous, on le perçoit. Ils passent pas comme la radio. Mais c'est depuis environ 30 ans un domaine qui a attiré beaucoup d'intérêt parce que ça a été une découverte majeure. Il y a environ 30 ans, on a découvert qu'il y a des molécules volatiles qui étaient dégagées par les végétaux avec lesquelles les arbres pouvaient communiquer entre eux. Donc, ils pouvaient communiquer entre eux, peut-être aussi envoyer un message ou faire une action envers un animal ou peut-être même envers l'homme, on ne sait pas trop, mais il y a, les plantes, on a vraiment une image. Il y a une graine qui pousse, c'est un individu. Ouais. Ça bouge pas. On se dit, c'est végétal, pousse, il se passe rien. Il se passe rien, alors que c'est beaucoup plus évolué qu'on le pense. Et ça fait. Souvent, ça agit à une échelle beaucoup plus lente que la nôtre. Ça n'a pas un réflexe instantané, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de communication. C'est un fait. D'ailleurs, cette hypothèse, au départ, avait été vraiment rejetée par la communauté scientifique. Ça a été, les arbres se parlent, ça passait pas bien. mais maintenant, c'est prouvé expérimentalement chez de nombreuses espèces. Donc, on ne sait pas encore pour toutes d'ailleurs, mais probablement qu'il y a vraiment des petits composants dans l'air là, qui sont durement perceptibles, qui sont partout en fait. Là. Et eux peuvent les capter avec les feuilles aussi? Oui, avec les feuilles souvent. Est-ce que tu as des exemples? Bien oui, un exemple qui est intéressant, c'est en Afrique du Sud. Il y a un scientifique qui a étudié les cas de mortalité importante dans des élevages d'antilopes en Afrique du Sud. Okay. Les élevages d'antilopes, c'est des kudus, c'est les antilopes qu'on les appelle. Et plusieurs d'entre elles étaient retrouvées mortes d'une manière inexpliquée dans leurs enclos. C'était une période de grande sécheresse. Et puis, la seule nourriture qui restait, c'était les feuilles d'acacia. Les feuilles d'acacia font habituellement partie du régime d'antilope, mais une parmi tant d'autres. Okay. Donc, parce que si c'était poison depuis toujours, les antilopes ne les auraient pas broutées. Ils auraient su que c'était toxique à l'origine. C'est ça. Donc, bref, le scientifique a dit, bon, on va l'équipe probablement. On regardait l'estomac de kudu mort pour voir qu'est-ce qu'il y avait. Et il y avait beaucoup de feuilles d'acacia qui étaient non digérées. Après l'examen des feuilles qui étaient dans les estomacs, il y avait un taux anormalement élevé de tanins. Les tanins, c'est des substances produites par beaucoup, beaucoup de plantes qui aident à se protéger contre les microbes et les autres parasites. Ça peut avoir des vertus médicinales, d'ailleurs, mais c'est très peu digeste. Ce tanin-là aurait probablement empêché la fermentation des feuilles, donc la digestion dans l'estomac, et les antilopes seraient comme mortes de genre d'empoisonnement. Ça ne digérait jamais. D'accord. Mais pourquoi tout d'un coup les acacias se seraient mis à produire ce tanin toxique-là qu'il ne sécrète pas à ce niveau-là, normalement. Est-ce qu'on a une réponse à cette question? Eh bien, les scientifiques se sont dit, bon, ben, il va probablement réagir à quelque chose. Donc, ils ont mimé l'agression des antilopes envers les acacias en leur donnant des coups de canne sur les branches. Okay. Parce que les antilopes ont des grandes cornes. Okay. Donc, ils ont mimé l'agression physique et puis de se faire. Et puis, quelques heures après l'agression, les analyses montrent que la teneur en tanin des feuilles augmente. Okay. Face à une agression physique. OK. Donc, c'était pas une molécule qui aurait pu émettre l'antilope. Là. C'est l'action physique. C'est ça. Donc, dans le sens que là, c'est pas tant juste la communication, mais c'est une réaction à quelque chose. Les plantes ne sont pas là en ne bougeant pas, en faisant rien, en attendant que tout leur tombe dessus. C'est pas vrai. Elles ont des manières de se défendre et peuvent être réactives. Donc, elles n'ont pas besoin d'être faites à la base pour former ça. Elles peuvent le former selon l'environnement. Et est-ce que les plantes pourraient communiquer avec d'autres êtres vivants? Oui, beaucoup avec les insectes, parce que les insectes sont plus petits, plus... ce qui est intéressant, parce que, bon, les plantes qui se font brouter, on parle des herbacées, graminées, tout ça, là, ils peuvent sécréter certains composés chimiques qui vont empêcher les insectes de venir les manger, et peut-être d'autres brouteurs aussi, les vaches aussi, les ongulés, beaucoup. Donc, ça serait comme une défense naturelle. Une défense naturelle, parce qu'ils ne peuvent pas se sauver. Ils peuvent mangez-moi pas. C'est vrai qu'ils ne peuvent pas faire grand-chose. Ils peuvent pas partir, eux autres. Là. Non, c'est ça. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que ça demande de l'énergie sécréter des armes chimiques comme ça. Donc, ils feront pas ça tout le temps pour le fun, à un niveau très élevé. Donc, ce qui est intéressant, un herbivore, quand il broute des herbes, va laisser sur place des enzymes digestives dans sa salive. Okay. Et le contact des enzymes digestives des herbivores sur la plante réagit à la présence de ces enzymes-là et du coup, là, va produire une certaine arme chimique qui va faire qu'elle ne voudra pas se faire brouter, probablement qu'elle va stimuler les voisines autour d'elle. OK. Est-ce que ça pourrait même être adapté au type de, d'enzyme ou je ne sais pas si ça... Je ne sais pas, mais peut-être. Peut-être aussi. On ne sait pas à quel point ça peut être finement... C'est ça. Oui. Ou sélectif, là, selon l'agresseur. C'est très possible. On sait qu'il y a au moins 10 000 armes chimiques connues, différentes molécules que les plantes peuvent utiliser. Donc, il y a quand même... Pas que chaque plante a 10 000. Non, c'est ça. Mais dans le monde végétal, ce qu'on connaît à date, c'est au moins 10 000. C'est un gros arsenal, c'est ça. Et même, intéressant, ce qui est relativement intelligent, les plantes peuvent envoyer un message pour rendre être attirant pour le prédateur de l'insecte qui le mange. Ah, OK, donc, OK. Donc, là, c'est un exemple qui n'est pas nécessairement la vérité, mais par exemple, il se fait manger par un puceron. Ouais. Il pourrait envoyer un signal qui est attirant pour une coccinelle. La coccinelle vient, il mange le puceron et la plante est libérée. C'est presque de l'intelligence. C'est presque de l'intelligence. Fait que c'est quand même... c'est fascinant de voir le... l'évolution, quel point c'est finement... adapté, finalement. Oui, exactement. Et est-ce qu'il pourrait y avoir des applications de ces découvertes? Oui, ben beaucoup au niveau de l'agriculture, parce que il pourrait avoir lieu de reproduire les composés volatiles dont je parlais au début de la chronique, qui stimulent la plante à se défendre dans le cas des cultures infestées. Par exemple, une culture infestée, on envoie le composé volatile, puis là, ils reçoivent le message, « Oh, on va sécréter telle arme chimique, on va se protéger contre l'infestation. Uh-huh. » Donc ça pourrait être vraiment... Ou attirer tel prédateur. Uh-huh. Donc c'est vraiment un débouché qui pourrait être intéressant. Prometteur aussi dans le cas de résistance, parce que beaucoup d'insecticides, il y a des résistances comme partout, donc c'est aussi quelque chose... Les résistances qui se développent, là, c'est tout à fait partie de l'évolution. Là. Et puis, mais malheureusement, il y a encore très peu de chercheurs québécois qui s'intéressent à ça. Il y en a dans le monde, mais au Québec, on n'est pas encore... C'est pas encore le très, très ouvert. Donc, c'est vraiment quelque chose qui commence, parce que c'est quand même une étude assez pointue qui demande des conditions particulières. Et est-ce que les plantes communiquent seulement via les feuilles ou d'une autre façon? Bien, pas du tout. Le monde du terrain est encore plus mystérieux. Ah, ben oui, c'est parce vrai. Qu'il est aussi moins accessible. Les feuilles, ça s'étudie relativement facilement aussi. Là, le souterrain, c'est les racines, le monde racinaire d'une forêt, c'est fascinant quand on enlèverait la terre. C'est vrai. C'est plus ouais. gros que ce qu'on voit à l'extérieur. Ah, OK, OK. Donc, il y a plusieurs interactions complexes, beaucoup avec les champignons aussi qu'il y a dans le sol. Donc, je voulais parler d'une des 10 découvertes de l'année 2011 de Québec Science. Oui. C'était les recherches du professeur Annie Desrochers et de son étudiante au doctorat Émy Tarrouz de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue. OK. Eux, ils ont une recherche très intéressante qui... souligne que les feuillus et des conifères, alors qu'ils ne sont pas de la même espèce, on ne parle pas d'un individu pareil, on parle des feuillus et conifères, pourraient souder leurs racines ensemble pour partager les ressources dans le sol. Okay. Donc, si un des deux disparaît, l'autre peut dépérir, pas nécessairement mourir, mais être moins uh-huh. en forme, disons. Donc, ils semblent profiter l'un de l'autre pour alors la présence. Alors qu'ils ne sont pas de la même espèce, c'est pourquoi il y aurait intérêt à s'aider. C'est pas l'idée de faire suivre ces gènes. Là. Uh-huh. Ça pourrait changer les pratiques forestières. En gros, c'est vraiment une greffe racinaire. Dès que des racines de deux arbres entrent en contact, elles pourraient se greffer. Puis, il y a moyen d'étudier les cernes de croissance des racines pour voir à quel moment ça s'est greffé. Ah bon, OK. Puis, je vais résumer les propos de l'auteur dans une citation du chercheur que je trouvais intéressante. Donc, si un arbre a accès à une ressource comme un plan d'eau, il devient en quelque sorte le fournisseur de l'arbre voisin qu'il n'y a pas accès. Okay. Il est un peu un passeur d'eau. Okay. Donc, ça change complètement notre perception de l'écologie forestière. Avant, on les voyait comme des individus seuls en compétition, alors qu'ils sont connectés et ils sont plus en coopération qu'en compétition. Qu'en compétition. Puis en fait, ils se compétitionnent la lumière, peut-être. La lumière, c'est ça. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont en combat, parce qu'ils ont intérêt à être plusieurs aussi c'est à ça. Un certain c'est moment un fait. Donné. Puis, ça pourrait changer tranquillement les fondements. Quelques pratique de l'industrie forestière qui est souvent de faire l'éclaircie pré-commerciale. Donc ça, c'est... on a un lot de bois, on prévoit le récolter dans X années, mais avant ça, on va couper une partie des arbres pour laisser grossir les autres. Mais en fait, souvent, ça fait qu'il y a un gros réseau racinaire, mais moins d'arbres. La partie aérienne est trop petite par rapport au... Ouais, à ce qui est souterrain. Oui, c'est comme trop lourd à soutenir au niveau souterrain. Donc, ça fait pas nécessairement... des arbres plus vigoureux dans 15 ans. D'accord. Donc, ça peut vraiment être intéressant. Et aussi, là, je n'irai pas dans le sujet, mais les mycorhizes, appelle les contacts avec les champignons, c'est essentiel à la vie, en fait. Puis, ils se partagent aussi des nutriments. Donc, il y a de l'humanité dans les arbres, finalement. C'est ça qu'on peut dire. Oui, c'est un fait. Et l'humanité, oui, c'est un fait. Et ou du moins, peut-être que l'humanité devrait apprendre des arbres pour être un peu moins en compétition. Oui, exactement. Ils ont l'air en compétition, mais finalement, ils se partagent pas mal de ce qu'on pense. Alors, merci, Christiane. Merci. On passe au mot de la fin.